Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. Tout ça, c'est la faute des Juifs. C'est une bonne nouvelle, Christian envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une machine. Bonjour chers amis et bienvenue dans Oremus, émission hors-série un peu particulière. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un document Oremus qui vient de sortir au milieu du mois et en plus il n'y a même pas de titre comme d'habitude? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est très simple, c'est qu'on reçoit, plutôt je reçois, je suis seul ce soir pour recevoir Bruno Hiroux, qui était déjà d'ailleurs passé dans l'émission pour commenter l'actualité avec nous. Bonsoir Bruno, comment ça va? Bonsoir Bobby, bonsoir à tous, ça va très bien, merci pour l'invitation. Alors j'ai checké l'historique, j'étais passé en novembre 2023 pour parler de mémoire du judéo-christianisme. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Et on avait aussi un ami en commun, l'abbé Dutaille, qui avait été reçu dans l'émission. Et d'ailleurs dans l'émission de mai qu'on a enregistrée il y a quelques heures par rapport à cet entretien, on a rappelé que, c'est pour ça qu'on est réunis pour parler un peu ce soir, on a rappelé qu'il y a eu la création d'un mouvement politique qui s'appelle le MNC, le Mouvement National Catholique, dont tu as la charge, tu es le président du mouvement. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ce petit hors-série, pour vous faire plaisir, vous parler un peu du mouvement. Et je vais te laisser la parole tout de suite, Bruno. Quel est ce mouvement? Quelle est sa doctrine? De quoi ça parle? Quel est son but? Alors, le Mouvement National Catholique, l'avantage, c'est que sa ligne, son projet et son ambition sont résumés dans son nom. Mouvement, car c'est un rassemblement d'hommes engagés en politique, et puis National Catholique, puisque nous sommes nationaux, avec tout ce que ça implique, on en discutera peut-être, et catholique, évidemment, avec tout ce que ça implique également, et notamment apporter cette notion, donc notre religion, notre foi, notre Dieu, dans le débat public, dans le débat politique et au sein même de notre famille politique. Et c'est une ligne que je développe depuis quelques années, depuis 2021 notamment, avec le lancement de mon premier magazine, depuis 2022 avec le lancement de ma maison d'édition. Le temps était venu de porter également cette ligne de manière transparente au niveau politique. Donc c'est pour ça qu'avec quelques amis, on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup questionné, puisqu'on avait déjà chacun diverses attaches politiques à droite et à gauche, chacun ou presque tous en tout cas. Et du coup, on a décidé donc de monter ce mouvement national catholique pour défendre une ligne qui, pour nous, n'était pas défendue, en tout cas pas sur la scène politique. Et cette ligne nationale catholique, c'est la ligne traditionnelle du catholicisme de toujours, lié au nationalisme depuis que les Français sont des citoyens tenus de faire de la politique, donc depuis la fin de la monarchie et les débuts de la citoyenneté et de l'élection, et notamment du fait que les dirigeants soient désormais choisis au suffrage universel. Et donc on a cette ligne. Donc moi je suis très inspiré par le marquis de la Tour du Pin, évidemment, pour faire écho à mon passage il y a un an et demi dans votre émission, mais avec d'autres sujets également qui me tiennent à cœur et qui, pour moi et pour l'équipe avec laquelle on a monté ce mouvement, n'est pas représenté. C'est cette ligne, ce binôme, on va dire, ces deux jambes qui nous sommes, donc notre identité de Français, de Blancs, d'Européens et notre foi, donc Jésus-Christ, tout simplement. Donc la défense de ce qui est attaqué par les ennemis de notre race, donc notre ethnie et notre Dieu. Bien, je te remercie pour cet excellent résumé. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour dire que donc effectivement tu es à la tête d'un magazine qui s'appelle le magazine Réflexion, qui est trimestriel, je crois. Tu es aussi à la tête d'une maison d'édition, les éditions Saint-Barthélemy. On mettra les liens qui vont bien. Donc le MNC, on mettra aussi le lien du site et puis le lien du canal Telegram, tant qu'à faire. Je voulais d'emblée te poser une question, parce que tu as abordé directement le sujet qui fâche, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait un vide politique avant le MNC qu'on essaie de combler actuellement. puisque les gens n'ignorent pas que tu étais pendant assez longtemps numéro 2 du Parti de la France, et maintenant tu ne fais plus partie du bureau politique, est-ce que tu penses qu'au sein du Parti de la France, c'était une ligne qui manquait, et c'était quelque chose qui était, comment dire, est-ce que ça aurait été possible de faire de l'entrisme, de continuer à faire de l'entrisme au sein du Parti de la France, pour pousser cette ligne-là, ou alors tu penses qu'il y a une sorte de divergence politique, d'incompatibilité entre le Parti de la France et le MNC peut-être ? Je ne sais pas, hein, c'est une question ouverte. Avant de répondre, le magazine a été renommé, il s'appelle plus Réflexion mais L'Intransigeant, mais tout le monde n'a pas l'info puisqu'on n'en est qu'au numéro 2 donc, de ce nouveau magazine, puisque Réflexion c'était une initiative personnelle de ma part pendant le confinement, et maintenant on a un comité de lecture, un comité de rédaction, et on est une équipe, donc on a changé... On a changé le nom, c'est L'Intransigeant désormais, mais la ligne est toujours national-catholique. Parenthèse fermée. Oui, sur le Parti de la France, alors le but n'était pas de faire de l'entrisme. Moi, en tant que numéro 2 du Parti de la France, je défendais les positions du Parti de la France, qui sont les miennes sur la plupart des sujets. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il manquait une ligne qui n'est pas dans l'ADN du PDF. PDF qui a plutôt une volonté de rassembler toutes les énergies de la droite nationale. Pour moi, le petit point qui manquait, voilà, c'est celui que moi j'ai quitté le PDF pour me consacrer à ma ligne nationale catholique par mes éditions et ma nouvelle revue. Et puis ça manquait en politique, en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas de conflit avec le PDF, bien évidemment. J'y ai beaucoup d'amis, de bons camarades et des souvenirs ineffaçables. Et le MNC vient combler un vide, comme on disait au début, il vient pas faire la leçon à qui que ce soit, mais il vient combler un vide. On a un milieu où il y a beaucoup de tendances, on pourrait dire tiens un groupe de plus, un groupuscule de plus, un parti de plus, un mouvement de plus, etc. Mais c'est une ligne qu'on n'avait pas. Il y a des mouvements catholiques, il y a des mouvements identitaires, ethniques, etc. Et sur d'autres sujets également, mais il n'y avait pas ce mouvement avec vraiment un binôme. On assume notre ethnie, notre identité, le fait que nous soyons des Français de souche et qu'on veuille le rester parce que tout simplement on est sur la terre qui a été fabriquée par les nôtres pour les nôtres et que nous sommes seulement des héritiers, nous ne sommes pas des propriétaires de notre race ni de notre terre, et nous avons pour but de la transmettre. Et l'autre jambe, l'autre pilier, c'est le Christ, et je voulais le Christ est au milieu de toutes mes activités personnelles, familiale, amicale, éditoriale, et ça me manquait au côté politique. C'est pour ça que je reviens, entre guillemets, dans le jeu politique, si on peut dire, avec un mouvement qui soit catholique. Mais il n'était pas question de faire de l'entrisme ou quoi que ce soit au PDF. Moi, j'aime bien quand les relations sont franches et transparentes. J'ai défendu une ligne pendant une quinzaine d'années au Parti de la France. Aujourd'hui, j'en défends une autre, mais qui n'est pas incompatible, évidemment. J'ai pas changé de bord politique, ni le PDF, évidemment. Très bien, Bruno. Je te remercie pour ces réponses très détaillées et pour ta franchise. Et vu ce que tu viens de dire, je me permets d'embrayer tout de suite sur une autre question. Alors, je précise d'emblée, si vous sentez une sorte d'hostilité dans mon ton, c'est tout à fait superficiel, hein, c'est pas du tout le cas. Je suis pas du tout hostile au MNC. Je veux dire, je me fais un peu l'avocat du diable ce soir pour essayer de nourrir une discussion, pour donner un peu le change. Donc moi, j'ai posé une question un peu polémique tout de suite, finalement, puisque avec tout ce que tu viens de dire, les gens, ils vont se dire, d'accord, mais et Civitas, forcément. Quelle est la différence fondamentale entre le nouveau MNC et Civitas qui existe déjà? Les gens vont forcément se poser la question. C'est une très bonne remarque, hein. D'ailleurs, ça fait partie des remarques qui nous ont été faites dès l'annonce le 31 mars de la naissance du mouvement national catholique. On nous a dit « et Civitas ». Tout d'abord, Civitas est dissous en France, donc ça c'est le côté technique, mais au-delà de ça, parce que c'est pas du tout la dissolution de Civitas qui nous a motivés, Civitas a un manque justement sur le côté identitaire, sur le côté ethnique, sur le fait que les Français soient des blancs et qu'il est naturel qu'il le reste, qu'il est naturel qu'il y ait différentes races, et que ce sujet ne doit pas être un tabou, ça doit être un sujet complètement quelconque. Et à Civitas, à ce niveau-là, il y a un manque. Ils sont plus tournés vers le côté religieux, moins vers le côté identitaire. Et il y a d'autres points, sans entrer en conflit avec n'importe qui, mais qui qui dans Civitas me gêne hein, personnellement, et ça c'est partagé par quelques membres du bureau exécutif du MNC, c'est le manque de nuances sur les prises de position sur des sujets qu'on ne connaît que de loin en tant que Français. Je pense par exemple à la Russie, au complotisme, ce genre de choses. Plein de petits sujets à droite, à gauche qui font que parfois il y a des positions qui sont prises qui sont, à mon sens, moyennement crédible, même si l'objet de Civitas est tout à fait louable, c'est participer à la restauration d'une cité catholique en France. Mais ce n'est pas, là pour le coup, on parlait du Parti de la France tout à l'heure, Civitas n'est pas mon ADN, même si je les soutiens, j'ai déjà participé à des rassemblements avec eux, il n'y a pas de sujet, mais il y a vraiment une différence avec le MNC qui est nationale, nationaliste et catholique. Vous avez fait une vidéo de présentation sur... on va dire une sorte de publicité, on va dire, mais sympathique, hein, sur la chaîne Buffroy en Rouennais. Et dedans, vous avez rappelé l'évidence. Hein, effectivement, il n'y a pas de honte à devoir défendre les Européens en Europe. Hein, ça ne me semble pas cinglé comme projet politique. Hein. Apparemment, ça choque encore des gens, je ne sais pas pourquoi. Et ça a été même aussi rappelé à part toi-même, d'ailleurs, dans Rivarol. C'était le numéro, j'ai la petite note, du 16 avril, une interview qui était consacrée. Et tu as rappelé aussi directement, tu as dit les termes, hein, la race blanche, hein, tu n'as pas essayé de faire une petite pirouette, etc. pour esquiver le terme. Non, il faut le dire, hein, ce n'est pas un gros mot, la race blanche. Donc oui, je suis d'accord effectivement sur le diagnostic. Ce n'est pas quelque chose qu'on entendrait chez Civitas. C'est un manque en France, c'est un manque criant. Hein, je veux dire, ne pas parler de la défense des Blancs en France en 2025 pour un projet politique, mais ça, c'est plus qu'un manque. Hein, moi, je dirais, je serais plus sévère que toi, je dirais même c'est une petite faute politique. Bon, après, chacun met le curseur un peu où il le souhaite, hein, selon ses sensibilités. Mais pour moi, ça va de soi, quoi. Alors que les partis d'extrême droite traditionnels, donc typiquement le RN Reconquête, bon, ne veulent surtout pas parler de race blanche. D'ailleurs, je note qu'ils ne veulent pas parler de race tout court, en fait. Hein, ils sont aveuglés sur certains. Alors, Éric Zemmour, d'ailleurs, je trouve qu'il est moins aveuglé que les autres. Mais bon, Sarah Knafo, par contre, elle est en plein je trouve, hein, c'est personnellement, je trouve que c'est un sujet qu'elle n'abordera pas, quoi. Le problème du RN et de Reconquête et de ces partis auxquels j'ajoute les partis de la droite un peu plus molle, c'est que c'est la droite adossée au mur des lamentations qui regarde vers les valeurs républicaines. Ah oui, bah là, justement, j'ai cité Knafo, là, on est en plein dedans, ouais, complètement. Et d'ailleurs, bizarrement, Éric Zemmour l'est un peu moins sur ce côté-là. On pourrait dire, attends, il est quand même plus juif que Knafo, etc. Plus, on a vu qu'elle est allée plus loin pour le mur d'alimentation, elle y allait de bon cœur, quoi. Après, ce n'est pas étonnant parce que dans ce milieu-là, cette droite qu'on doit appeler sans phare, évidemment, c'est naturel, la droite sioniste ou la droite nationale sioniste, Zemmour, c'est le plus réfléchi et le plus posé, c'est celui qui a le plus lu et le plus écrit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est plus nuancé que d'autres, il connaît mieux peut-être les ressorts français, l'âme française, même si ironiquement il fait partie d'un autre peuple à la base que le nôtre. Donc je pense que c'est pour ça que chez lui ça se voit moins, mais dans son parti, dans le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est criant, on a... cette volonté de ratonner les Palestiniens parce qu'on n'a pas le droit de ratonner les racailles en France, donc c'est une ratonnade par procuration, et donc on a cette position pro-sioniste qui est soit liée aux origines hein, de ceux qui portent ces positions-là, soit liée à des soumissions politiques tout simplement. Et moi je me rappelle au début de mon engagement dans le milieu nationaliste, il y avait un slogan qui disait tout, qui c'était ni qui pas ni qui fier, ça me paraissait assez mesuré. Et là aussi, c'est l'une des différences, pour revenir à la conversation d'avant, peut-être du MNC, c'est que ce soit sur la Russie, sur l'Ukraine, sur Israël, sur la Palestine, on va pas forcément choisir un camp aveuglément en fonction de nos sensibilités, mais on va plutôt regarder les choses telles qu'elles sont, et notamment le sort des chrétiens, en force est de constater que le sort des chrétiens, notamment des catholiques, eh bien, en général, est une bonne boussole pour savoir dans quel camp se positionner. Oui, oui, effectivement, je partage entièrement ce constat avec toi. Et là, on vient de parler du fameux N du MNC, le côté national. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du M, pourquoi avoir créé un mouvement national catholique et non pas un parti politique national catholique qui aurait pu s'entendre aussi, hein. C'est pas parce que la chose vient de naître et que faut être un peu humble par rapport au début, bien sûr. Mais quels sont les avantages de créer un mouvement plutôt qu'un un parti? Bah, l'avantage d'avoir créé un mouvement, de s'appeler mouvement national catholique, c'est ce côté rassemblement d'hommes. Le côté parti, ça fait un peu, peut-être un peu centralisateur. Et puis, ça aurait été mensonger, car légalement, nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une association déclarée auprès du préfet de l'Indre, association qui a été déclarée dans le but de présenter des candidats et de soutenir des candidats aux élections et de présenter des textes nationaux catholiques en période électorale ou hors période électorale via diverses activités éditoriales. Donc, il était important pour nous donc de ne pas mentir sur ce que nous sommes. Nous sommes un mouvement national catholique, nous sommes une organisation politique avec des instances, avec des rituels donc qui sont codifiés dans les statuts mêmes, hein, du mouvement national catholique. Mais si nous avions mis « parti » dans le nom catholique, ça aurait été trompeur, car nous n'avons pas certaines spécificités du parti politique, et notamment le fait, par exemple, hein, de faire du don défiscalisé ou le fait de pouvoir recevoir directement une subvention si un jour nous cartonnions aux élections. C'est pour ça que pour l'instant le mouvement national catholique est une association déclarée, et à terme évidemment le but est de devenir un parti, mais nous ne changerons pas de nom, le nom c'est le mouvement national catholique. Donc il y avait ce côté administratif et ce côté on ment pas sur ce qu'on est. Et après pareil, en France le mot mouvement il est joli, ça veut dire rassemblement d'hommes dans le but d'une action politique. Donc voilà, il y a un côté un peu intellectuel, un peu littéraire, et surtout un côté administratif. Oui, d'ailleurs, Civitas ne s'était pas privé, hein, pour champ muté un peu. Au départ, c'était considéré comme un mouvement, justement, comme le MNC, et ça les a pas empêchés de mettre à jour leur statut et de présenter des candidats. Alors, ils n'ont pas pu présenter les candidats partout et tout le temps, parce que le nombre manquait, pardon. Mais de point de vue local, ils ont eu cette possibilité-là quand le mouvement a pris de l'ampleur, quoi. Donc rien n'est gravé dans le marbre, hein, ça, tout peut changer, j'imagine. On dirait là-dessus, parce que ça fait partie aussi du projet du MNC, donc on peut déjà présenter des candidats, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est juste qu'ils seront soutenus par le mouvement national catholique et ne seront pas des candidats du mouvement national catholique, mais on participera à toutes les activités électorales et toutes les élections possibles avec nos moyens et les alliés qu'on a. Et le but, évidemment, est de basculer à terme, hein, sur comme Civitas, hein, puisqu'on parlait de cet exemple-là, sur une forme de parti politique. Et ça, on s'est donné comme objectif de le faire d'ici janvier 2027. Donc, ça va venir assez vite. Mais voilà. Administre, ça change pas rien pour les gens, pour les adhérents, etc. Mais administrativement, donc la bascule devrait se faire entre la fin 2006 et le début 2027. Pour l'instant, ce qui bloque évidemment, c'est le côté financier, puisque les charges qui pèsent sur une association sont bien moins lourdes financièrement parlant que les charges qui pèsent sur un parti. Et notamment, un parti est tenu de faire expertiser ses comptes au moins une fois par an, de souscrire des assurances spécifiques. Et la note est assez salée, et c'est pour ça qu'on a commencé sous cette forme d'association. Néanmoins, le parti restera le MNC, la structure restera la même, la direction restera la même, et les idées, évidemment, resteront les mêmes, et le mode opératoire restera le même. Donc, la différence sera uniquement au niveau administratif, et pour les gens qui, éventuellement, voudront faire des dons, eh bien, à partir de ce moment-là, on pourra procéder à de la défiscalisation de 2/3 de chaque don. C'est la seule différence, mais à terme, oui, on a vocation, c'est déjà gravé dans le marbre, de basculer sur la forme d'un parti politique. D'accord, encore une fois, hein, merci pour ton honnêteté, parce qu'il y aurait pu avoir une stratégie politique qui aurait consisté à ne pas dévoiler tout de suite sa stratégie, etc. Non, mais effectivement, je trouve que c'est bien de mettre carte sur table, de ne pas avoir peur d'afficher des ambitions, et surtout que, de toute façon, les temps nous imposent une réaction vive, quoi, ne serait-ce que du point de vue de la surnature. Bon, bah évidemment, là, les Français, la damnation, ça va tout. Alors moi, je ne juge pas les reins, je ne sonde pas les reins et les cœurs, hein, je ne peux pas savoir exactement ce qui se passe, mais disons, d'un regard externe, on sent que bon, ça sent pas bon. Et puis d'un point de vue même purement naturel, le remplacement de population, là, on est en plein dedans. Toutes les grandes villes, maintenant, elles sont tombées aux mains de l'ennemi, aux mains de l'ennemi. Et puis, il faut réagir tout de suite parce que il suffirait d'encore certains 10, 2 ou 3 générations. Je pense que c'est plus 2 que 3. Et puis on aurait une perte sèche, quoi. Donc, c'est maintenant ou jamais, quoi. Faut pas avoir peur d'y aller à fond. Moi, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, parce qu'on souffre de l'inverse, je trouve. Les gens qui, typiquement le RN, hein, qui, on va essayer de la faire subtile, etc., et puis on va avaler des couleuvres, et puis petit à petit, à la fin, on se transforme, et puis à la fin, on voit ce que ça donne, quoi. À la fin, le Rassemblement National ne défend plus rien, c'est devenu un parti qui est beaucoup moins radical qu'était le RPR dans son temps, quoi. Donc ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Nous, on avance, que ce soit sur notre mode d'organisation, sur nos idées, on avance... à visage découvert, de manière transparente, il n'y a pas d'embrouille, de choses cachées. Et effectivement, les malheurs qui arrivent actuellement à Marine Le Pen sont la meilleure preuve que l'infiltration, la dédiabolisation, ça ne marche pas. Parce que pour s'infiltrer ou pour se dédiaboliser, il faut parler comme l'adversaire, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour l'adversaire. Et finalement, au moment où on risque de prendre la place de l'adversaire, eh bien, on se fait court-circuiter, le fusible saute. Donc, toute tentative d'infiltration, de dédiabolisation ne mène à rien. Et si on m'a objecté, et ce serait un peu légitime que, malgré la, que la, grâce à la dédiabolisation, les scores du FN passé RN ont augmenté, eh bien, moi, je contredis et j'y crois fermement que c'est malgré la dédiabolisation que le FN puis le RN ont augmenté leur nombre de voix et leur pourcentage aux différentes élections. Et au final, on perd toujours à utiliser le langage de l'adversaire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le RN est une coquille vide, que toutes les têtes qui dépassaient ont été coupées. Et aujourd'hui, le RN, c'est un parti qui n'a pas de relais, dont les candidats sont souvent moqués parce que bah, pour faire du chiffre, pour faire 577 candidats, eh bien c'est impossible de trouver 600 cadres locaux puisqu'ils ont été décapités, puisque quand quelqu'un a assez de prestance, d'idées, d'engagement politique pour assumer un statut de cadre, notamment au RN par exemple, puisqu'on parlait de cet exemple-là de Marine Le Pen, eh bien il faut évidemment avoir une personnalité forte, oser porter des idées, s'intéresser aux idées, etc. Tous ces gens-là ayant été décapités car ayant été soit dénoncé par la gauche, soit dénoncé par les journalistes, soit tout simplement ayant été suspect, soupçonné de vouloir faire de l'ombre à je ne sais qui, eh bien, il ne reste plus au RN que des humbles militants, mais qui font de très mauvais candidats. Donc, la dédiabolisation, l'infiltration, le manque de transparence, c'est toujours un défaut, d'ailleurs, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie publique. Et j'invite effectivement tous les auditeurs à assumer leurs idées en fonction des risques encourus, évidemment, mais à jamais faire semblant d'avoir d'autres idées que les siennes. Et la dédiabolisation, là, on a un superbe exemple en temps réel qui, malheureusement, nous a fait perdre une bonne quinzaine d'années. Mais voilà, quand on parle comme système, on fait le jeu du système. Et quand on est à deux doigts de prendre la place du système, on se fait court-circuiter. D'après tout ce que tu viens de dire, Bruno, je ne peux pas m'empêcher de te poser une autre question polémique. Parce que quelqu'un va peut-être te rétorquer, d'accord, mais justement, prenons l'exemple de Civitas, puisqu'on en parlait. Dès qu'ils atteignent une masse critique et dès qu'ils font parler d'eux, ils ont eu une dissolution. Donc, quel est l'intérêt d'être déclaré officiellement? Est-ce que ça vaut pas plus le coup d'être dans la clandestinité? C'est ça qu'on va te rétorquer. Parce que là, on a vu les avantages, de déclarer, etc. Et je ne les nie pas, d'ailleurs, ces avantages. Mais je pense que le public va aussi entendre, d'accord, mais il y a aussi d'autres avantages à être dans la clandestinité, et ils sont plus forts que ceux du déclaratif. Plusieurs choses. Tout d'abord, je vais commencer par quelques sophismes, mais après je vais développer. Mais c'est pas parce qu'à la guerre on peut mourir qu'il faut pas faire la guerre. Et de même, nous ne sommes pas dirigés par des clandestins ou des mercenaires. Aujourd'hui, on vit dans un système politique qui fait que si on veut changer des choses, il faut accéder à des postes de responsabilité. Et actuellement, on prend les règles du jeu telles qu'elles existent actuellement. Si elles sont amenées à évoluer, nous nous adapterons. En tout cas, actuellement, pour prendre ce genre de poste, il faut aller à l'élection et battre le sortant. Voilà, c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Donc, c'est une carte que nous souhaitons jouer. Après, sans parler de clandestinité, il y a des actions non politiques qui sont tout aussi importantes. Fonder une famille, participer à la vie de sa paroisse, être en relation constante avec son ange gardien et le bon Dieu, participer à des pèlerinages, s'épanouir dans la vie professionnelle. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas politiques, mais qui sont liées à une sorte de restauration du peuple et de la société qu'on espère au niveau politique, mais qu'on doit faire chacun à notre niveau, chez nous, en fait, tout simplement, dans nos familles, dans notre clan, dans notre paroisse, dans notre commune, et au final, dans notre région et dans notre nation. Donc, tout ça, moi, je vois toujours la nation comme sa définition de base, une famille de famille. Donc, la politique n'est pas effectivement un absolu en soi. Néanmoins, l'action politique est nécessaire car actuellement, les dirigeants de notre nation dirigent par la grâce du suffrage. Donc, il faut, pour moi, se présenter au suffrage pour pouvoir espérer eh bien, prendre ses places. Après, si un jour les événements sont amenés à évoluer, bah, comme je l'ai dit, on s'adaptera. Mais pour l'instant, on utilise les règles du jeu telles qu'elles existent. Ah, c'est vrai que quand on parle de stratégie, il peut pas avoir de personne ne peut y venir. Donc, il ne peut pas avoir de réponse comme ça, objective et certaine à 100%. Alors, moi, j'avais déjà dit sur d'autres ondes, hein, suivez mon regard, que j'adhérais pas, par exemple, au jeu politique. Alors, c'est mon avis, hein, je peux me tromper. D'ailleurs, si on me démontre que je me trompe, je change d'avis tout de suite. Hein. Mais disons qu'il y a voilà, beaucoup de portes différentes. Par exemple, certains vont se dire, là, parce qu'on parle de quoi depuis le début de l'émission, en fait, on parle de la prise du pouvoir, c'est ça la finalité. C'est pas jouer aux billes. Donc certains vont se dire finalement la solution, bah celle dont on a parlé depuis le début de l'émission, c'est le jeu politique, on va dire traditionnel. D'autres vont dire finalement la solution, c'est le métapolitique. D'autres vont dire la solution finalement, bah c'est on va dire le clan, donc le survivalisme, faire une grande famille et puis juste avoir un cercle local. Certains vont se dire non, finalement c'est le débat philosophique. Donc justement Joseph Merel que vous avez dû écouter dans Rémus, ou alors peut-être les débats historiques, philosophiques liés à la Seconde Guerre mondiale, le révisionnisme historique, etc. Vincent Renoir, pareil, qu'on avait déjà reçu, ce genre de choses. Et moi, donc là, je pourrais continuer encore les différentes options, j'imagine, pendant 5 minutes. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse parmi tout ça. Personnellement, je pense que, c'est perso, hein, ça n'engage que moi, que la bonne réponse qui mériterait le plus d'attention, ce serait d'accélérer l'effondrement du système, et après tout découlerait. Et la deuxième complément de réponse que je voudrais apporter, encore une fois personnel, c'est que bien que je viens d'avancer cette option-là, je pense qu'en fait que tout ce que je viens de dire, c'est une proportion d'un peu tout ça. C'est peut-être tout ça accumulé, le jeu politique, la réflexion philosophique, le fameux effondrement, bref, tout ce que pouvait accumuler, dans des proportions que j'ignore. Et moi, je mettrais plutôt l'accent sur cette histoire d'effondrement. Mais encore une fois, pourquoi on peut pas aussi en venir à une finalité tout de suite maintenant dans cette discussion? C'est ça, c'est Maurras qui disait que le désespoir en politique est une sottise. C'est parce qu'il y a une imprévisibilité et personne peut se dire, OK, mais demain, il va se passer ça absolu et faudra absolument adopter ta stratégie. Je pense qu'il faut surtout s'adapter énormément au contexte. Qui pouvait prédire le traité de Versailles? Traité de Versailles, donc Weimar, qui pouvait prédire traité de Versailles, donc Weimar, donc national-socialisme. À un moment donné, tout ça est arrivé, très très vite, et je pense que la plus grande qualité du militant, c'est de pouvoir s'adapter selon les circonstances pour apporter la meilleure réponse. Il faut s'adapter aux événements en jouant les règles du jeu, puisque nous sommes sur un échiquier, politiquement parlant, mais toutes les choses dont qui viennent d'être évoquées, ne s'excluent pas les unes les autres, bien au contraire. Et d'ailleurs avec le national... Excuse-moi, je te coupe, parce que là, j'ai l'exemple parfait. Vu qu'on vient de dire l'événement marquant du XXe siècle, c'est évidemment le national-socialisme, politiquement. Et là, pour le coup, c'est un événement qui est arrivé par la voie traditionnelle politique, hein, les urnes, les élections, alors que justement, les gens, ils pensaient que les national-socialistes allaient faire le prise de pouvoir uniquement par le coup de force ou rien du tout. Comme quoi, voilà, une autre surprise qui s'est passée dans l'histoire. Les gens qui ont une influence sur les élections vont choisir de soutenir ou de dénoncer en fonction de leurs intérêts. Et le but, c'est de faire en sorte que leurs intérêts coïncident le plus possible avec ceux de la nation. C'est pour ça que tout coïncide. Donc je disais, moi le, par exemple, le bon exemple, le national-catholicisme, je le défends par un cercle de lecture, par une revue trimestrielle, intransigeant, par une maison d'édition, les éditions Saint-Barthélemy. On a nos familles, nos foyers, nos paroisses respectives, et tout ça, c'est un tout. Et il n'y a pas des choses qui s'excluent les unes des autres, tout ça est plus ou moins complémentaire. Et, mais dans le cadre du MNC, évidemment, cet outil, parce que le mouvement national catholique est un outil au service de la Ligue nationale catholique qui, pour nous, est la seule à même de restaurer correctement et le peuple et la nation, eh bien, cet outil est taillé pour la politique, pour l'engagement politique, pour la manifestation, pour l'élection et pour le débat. Il y a un homme qui peut avoir plusieurs casquettes, bien sûr. Hein. Bon, après, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc il faut faire des choix, hein, c'est ça la vie aussi. Hein. Mais ouais, bien sûr. Je voulais qu'on parle aussi, forcément, hein, on a fait le M, on a fait le N, on va parler du C. Donc, Mouvement National Catholique. Ça va être compliqué. Alors, je pense que faire entendre la voix de la raison pour notre public sur la nécessité de s'engager en politique, ça va aller. La nécessité d'être nationaliste, je pense, de toute façon, les événements vont nous y amener tous, de gré ou de force, au moins de gré, hein, mais même les gauchistes, ils vont y venir de force, parce qu'à un moment donné, ça serait une question de survie. Et le C, eh ben, malgré tout, ça va être compliqué, le catholicisme, parce que, disons, le contexte politique ne s'y prête pas. Que ce soit le catholicisme, d'ailleurs, ou le protestantisme, hein, j'ai envie de dire, si je veux prendre un petit parallèle, ou même l'islam, tiens, d'ailleurs. En fait, quelque part, le monde est en train de croire en moi et ne voit que des solutions temporelles. Et pour essayer d'un peu d'élever le débat, et c'est un devoir du catholique, hein, de la conversion du prochain. C'est pas une option, hein, c'est pas si j'ai le temps, etc. C'est un devoir. Et je crois que c'est la partie qui va être la plus difficile, je pense. C'est le fameux C. Comment est-ce qu'on va amener les Français à repenser leur passé et puis à le transposer dans le futur pour qu'ils puissent vivre de la grâce, tout simplement. Hein. C'est le but d'un catholique. Hein. Effectivement, le C dans catholique identifie clairement la ligne. Hein. Dans nationaux catholiques, il y a catholique, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on appartient à une synergie. On a été invité par notamment Yvan Benedetti à participer à une large structure qui s'appelle le Front Nationaliste, par exemple, pour les futures échéances politiques, par exemple. On a une spécificité tout en appartenant à une famille politique. Donc voilà pour le côté purement administratif, j'allais dire, en tout cas purement formel au niveau du C. Après, au niveau spirituel, il y a un intérêt. Tout d'abord, pour rester un peu dans le politique, le catholique, dans national catholique, est important parce qu'il définit la ligne. Nous ne sommes pas que nationaux, nous sommes nationaux catholiques, et ça se réfère à une histoire, à des auteurs, à une stratégie, à une analyse des causes de la décadence de notre peuple et de notre nation, à une analyse approfondie, du coup, des propositions pour sortir de la situation cauchemardesque dans laquelle se trouve notre peuple et notre nation. Donc, il y a tout d'abord un intérêt évident intellectuel. Avant même de parler de conversion, de spiritualité, il y a un intérêt intellectuel, politique et militant à avoir ce C dans le nom, à assumer ce côté catholique. Et évidemment, le côté plus spirituel, eh bien, c'est que tout simplement, notre catholicisme, il nous vient du Christ, il nous vient de Dieu, et donc c'est la valeur fondamentale. Je ne conçois plus l'engagement politique qui ne soit pas rattaché aux fondamentaux de la vie, qui est notre Créateur. Et ce Créateur ne peut pas être mis dans la poche ou caché pour des raisons stratégiques. Je trouve que ce n'est pas compatible avec une condition de croyant, de catholique. Et les gens qui ont abandonné le catholicisme ou qui aujourd'hui ne sont plus catholiques parce qu'ils ont jamais ou qui n'ont jamais eu l'occasion d'essayer de l'être ou de savoir ce que ça veut dire réellement, eh bien, ces gens-là, dans une nation dirigée par des gens qui se réclament d'une ligne catholique, auraient été amenés à être naturellement catholiques, tout comme aujourd'hui, ils sont malheureusement naturellement athées, incroyants ou agnostiques, ou chacun fait son petit protestantisme dans son coin, ce genre de croyant-là, quoi. Et donc, c'est important d'avoir une ligne catholique, ne serait-ce que pour cadrer ces choses, pour remettre Dieu au centre de l'engagement, puisque si on ne s'engage pas en politique avec Dieu comme point principal, comme source de toute chose, on va se tromper, on va commettre des erreurs, on va dire des bêtises, j'ai eu l'occasion de le développer dans un ou deux articles récemment, mais par exemple, si on n'a pas Dieu, si on refuse de mettre catholique dans l'engagement politique pour ne pas froisser ou pour risquer d'être incompris, eh bien, on va défendre des valeurs qui ne sont pas vraiment les nôtres. Le meilleur exemple, c'est celui de l'islamisation. Bon, bah, quand on s'appelle le mouvement national catholique, tout le monde comprend quand on dit l'islam n'a rien à faire en France puisque la France est une terre chrétienne. C'est clair. C'est transparent, ça tient en quelques mots. Si on décide que catholique, c'est pas important parce que ça peut froisser des gens, parce qu'il y a des païens, parce qu'il y a des non-croyants, parce que je ne sais quoi, eh bien, ou parce que c'est ringard ou rédhibitoire ou je ne sais quoi, eh bien, on va trouver, pour combattre des mots qui sont liés à l'absence de Dieu, eh bien, on va essayer de trouver des réponses dans lesquelles il n'y a pas Dieu non plus. Par exemple, on va défendre la laïcité, le féminisme, la liberté sexuelle, la liberté de la femme ou je ne sais quoi, pour contrer par exemple l'islamisation et la nature horreur du vide. C'est pas avec des arguments datés de laïcs et de francs-maçons qu'on va combattre des gens d'autres religions qui veulent s'implanter chez nous avec leur foi et leur culture. Bon, c'était un exemple très précis, mais parce qu'il est parlant, celui d'islamisation. Mais le côté catholique règle d'autres problèmes. Je l'ai abordé là vite fait à la marge. Le problème de la franc-maçonnerie, pareil, c'est un sujet où on passe vite pour un fou, un complotiste ou je ne sais quoi. Mais la franc-maçonnerie aujourd'hui, nous sommes dans son régime. Les débats sont imposés parce que pensent ces obédiences-là, notamment je pense au débat actuel sur l'euthanasie, la fin de vie, mourir dans la dignité, ce mélange de mots incroyable qui dans la bouche d'un franc-maçon... C'est bien fait quand même, hein. au niveau de la propagande, ils sont forts, hein. Mourir dans la dignité, c'est moins classe, c'est plus classe que on va te tuer, tout simplement. C'est comme IVG. On va pas ouais. Assassiner un enfant, on va pratiquer un IVG. Enfin bref. D'ailleurs, pour l'euthanasie, ce que les francs-maçons ont fait des communiqués pour dire, ah, c'est grâce à nous, il y a quelques mois, hein, c'est grâce à nous que ce débat a été ouvert, ou plutôt réouvert. Donc ils se sont vantés, beaucoup de loges, hein, se sont vantés de cette avancée, entre guillemets, politique. Et donc là, il y a eu Valeurs Actuelles qui a fait une pour dire, ah, regardez quand même, les francs-maçons, c'est à cause d'eux, etc. Et après, on les a dit, ah, vous êtes complotistes. Mais attendez, ce sont les principaux intéressés qui revendiquent quand même ce fait politique. Donc, complotisme là-dessus, c'est compliqué quand même. C'est fort de café. Sur la question de la franc-maçonnerie, on retrouve les mêmes mécanismes que sur la question du grand remplacement. C'est-à-dire que quand on en parle pour dire du bien, ça fait consensus. Mais quand on en parle pour dire du mal, on va dire soit qu'on est complotiste passéiste ou arrière-gardiste dans le cadre de la franc-maçonnerie, soit qu'on est complotiste, menteur dans des théories farfelues d'extrême droite s'il s'agit du grand remplacement par exemple. Si on dit que c'est un grand remplacement et que c'est une anomalie, que c'est une agression, on est un fou. Par contre, si ce grand remplacement, on dit que c'est une créolisation ou que c'est de la diversité et que c'est très bien, ça passe. Et la franc-maçonnerie, c'est pareil. Elle peut se vanter d'avoir de l'influence. On peut avoir Nicolas Sarkozy, François Hollande, enfin, tous les anciens présidents de la République qui disent tout le pouvoir qu'elle a et comment elle est incontournable, inévitable dans le jeu politique. Et ça passe. Et eux-mêmes se vantent, et ça passe. Par contre, si on les dénonce, si on dénonce leur influence, eh bien là, on est un complotiste et on rejoint ce fameux jeu habituel où on est dans une scène politique hystérisée, où il y a les gentils et salopards. Il n'y a pas des gens plutôt de droite, des gens plutôt de gauche, des gens qui vont penser que tel fait de société est une anomalie, pendant que d'autres penseront que tel fait de société est une chance et on en débattrait. Non, c'est soit on est de gauche et d'extrême gauche et on est gentil, soit on est de droite ou d'extrême droite ou nationaliste ou identitaire et on est un salopard. Et cette différence de traitement, on la retrouve sur le grand remplacement, sur la franc-maçonnerie, etc. Et c'est pour ça que le grand remplacement, comme la franc-maçonnerie, sont des sujets que notre famille politique, donc je pense à la droite nationale, aux nationalistes, aux camps patriotes en général, ces sujets-là, il doit les continuer à les aborder. Parce que si c'est comme la question de Dieu et du catholicisme, pour en revenir à la troisième lettre du mouvement national catholique, au MNC, le fameux C, si on fait semblant que c'est pas prioritaire, qu'il faut pas en parler parce que pour des questions de stratégie ou quoi, on parle comme nos adversaires et on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire que toutes les lois qui sont prises par la République et notamment bah, depuis 45, depuis la fin de du régime de Vichy et depuis le procès de Nuremberg, mais bah, toutes les lois qui sont prises en France, je connais pas très bien ce qui se passe dans les pays d'à côté, mais ça a l'air d'être la même chose. En tout cas, en France, c'est systématiquement dirigé soit contre les blancs, soit contre les catholiques, soit contre les deux. Donc à un moment, il fallait aussi un mouvement de défense. Si on attaque qui nous sommes ethniquement parlant, et si on attaque notre religion, la foi qui a fait notre pays, eh bien, il faut un mouvement politique qui s'engage en politique en défendant qui nous sommes et en défendant notre foi. C'est aussi simple que ça. Après, on n'est pas un mouvement d'apostolat. Hein. C'est pas un mouvement qui est fait pour convertir des gens au catholicisme. D'ailleurs, à quel catholicisme il y aurait moyen d'en faire 10 émissions sur 5 ans. Mais voilà, le but, c'est politiquement. Notre Dieu et notre race sont attaqués. Il faut donc les défendre politiquement, clairement, sans utiliser des faux arguments. Très bien, Bruno. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, je rappelle que si vous êtes intéressé pour simplement voir le mouvement, les rejoindre, etc., on mettra le lien du canal Telegram et puis on mettra aussi le lien du site Internet. Comme ça, vous ferez l'idée. Et sur le site Internet, justement, il y a le manifeste avec les grands points politiques du mouvement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Bruno, avant qu'on se quitte. Oui, l'une de nos différences, effectivement, c'est ce côté formation vraiment des adhérents et des gens qui s'intéressent à nous. Donc sur le site, vous trouverez notre charte et notre manifeste, et chaque adhérent reçoit également notre programme. Très bien, parfait. Merci encore, Bruno, pour ton temps. Et donc, bah, les gens ont les liens, les documents, ils se feront l'idée, et puis ils choisiront. Merci, Bruno. À bientôt.